Le nouvel entretien de Bakouné adressé à la population le 4 novembre, à la suite du 25 octobre dernier, en ce qui concerne l'affaire d'offense à la politique d'État, déchaîne davantage la colère de toutes les couches sociales. Un site d'internet fait remarquer que l'on ne doit pas accepter à la lettre son entretien plein d'un bout à l'autre de la ruse pour éviter la responsabilité et des prétextes avant de faire paraître sur l'internet la version de l'entretien de Bakouné à l'adresse de la population en 7 chapitres. Un journal sud-coréen indique que cette version sert de sujet de conversation sensationnelle chez les internautes et que toutes les couches sociales ont commencé à commenter son entretien dans un autre sens, disant qu'il ne faut pas l'accepter tel quel.